Bon, on va peut-être commencer. Donc d'abord, je vais juste dire deux mots de présentation un peu du séminaire, du cadre dans lequel il s'inscrit. Donc c'est un séminaire qui a lieu dans le cadre du projet ANR Réanalyse, auquel Valérie Salapala, Thibaut Rioufré et moi-même, on participe. Et donc juste en deux mots pour vous expliquer du coup l'origine du séminaire. En fait, l'ANR Réanalyse dans son ensemble, son objectif, c'est d'essayer de tester les conditions de possibilité et l'intérêt ou pas de créer une banque de données qualitative en France, comme il existe des banques de données quantitatives. Et l'idée, c'était de faire ça aussi sur les méthodes Quali. Donc l'idée, c'est que des chercheurs mettent à disposition toutes les données primaires de leurs enquêtes, les entretiens, les données d'observation, etc., et que ça puisse être réutilisé par d'autres chercheurs. Et donc, ça pose un certain nombre de questions épistémologiques, juridiques, même déontologiques, etc. Et donc, l'idée de l'ANR, c'était de tester ce dispositif sur différents types de sujets d'enquête pour voir un peu toutes les questions que ça pose. Et donc, dans ce cadre-là, tous les trois, on a monté un projet sur la question de l'ethnicisation des relations sociales et du rapport aux politiques sur Vaux-en-Velin. Donc, l'idée, c'est de récupérer des enquêtes qui ont été faites à Vaux-en-Velin depuis, au début on était très optimistes, donc c'était les années 60, 70, bon maintenant c'est plutôt les années 80, mais l'idée c'est de récupérer des enquêtes qui ont été conduites sur Vaux-en-Velin et de voir, enfin de tester l'hypothèse qu'on fait souvent qu'il y a eu une ethnicisation des relations sociales et du rapport aux politiques dans les quartiers populaires en France, sauf qu'en général quand on fait cette hypothèse-là, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier est-ce que c'est effectivement les discours des individus ordinaires qui ont changé ou est-ce que c'est le regard des chercheurs sur ces questions-là qui a évolué. Et pour faire ça, en fait, le mieux, c'est de repartir de données d'enquête disponibles dans les décennies précédentes et de les réanalyser à la lumière de cette question. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et évidemment, quand on fait ça, mais du coup, on rencontre aussi la question de l'évolution des travaux en sciences sociales sur la question de l'ethnicité. Et c'est nécessaire de relier les évolutions des discours des acteurs avec les évolutions de la recherche. D'où l'idée de ce séminaire, en fait, qui est un séminaire plutôt d'histoire sociale, des sciences sociales, pour essayer de revisiter la façon dont l'ethnicité est apparue, dont ça a émergé en France, dans quel type de courant, chez quels chercheurs, sur quels objets, etc. Et donc l'idée du séminaire, c'est d'inviter un certain nombre de chercheurs dans différentes disciplines, donc à la fois la socio, la science politique, l'anthropologie, les sciences de l'éducation. À terme, on voudrait aussi en géographie, en anthropologie, donc je disais. Et donc, c'est d'inviter ces chercheurs à revenir sur leur propre parcours d'enquête et sur la façon... Donc, pour certains, c'est des chercheurs qui sont étiquetés comme étant des chercheurs qui ont travaillé sur l'ethnicité. Pour d'autres, c'est le cas de Marie Stripier, c'est des chercheurs qui sont plutôt étiquetés sociologie de l'immigration et voir comment ils ont rencontré cette notion, pourquoi ils ont choisi ou pas de s'en saisir et comment, en travaillant avec qui, etc. Donc c'est un peu l'objectif du séminaire. Et donc pour commencer le séminaire, on a le plaisir d'accueillir Marie Stripier, donc qui est professeure émérite à l'université de Paris 7 Diderot. Et donc, comme vous le savez sans doute, qui a joué un grand rôle dans la structuration de la sociologie de l'immigration en France, avec d'autres, hein, et je pense qu'elle nous en parlera, c'est une entreprise collective, mais donc à plusieurs, ils ont joué un rôle important dans ce développement de la recherche. Et donc, dans son cas, ça a commencé par des travaux sur le rapport entre le mouvement syndical et les travailleurs immigrés dans différents secteurs, et notamment au début dans le secteur de la métallurgie, hein, c'était ta thèse. Et puis ensuite, avec une série d'approches monographiques, mais une thèse d'État sur l'immigration dans la classe ouvrière en France, qui a donné ensuite lieu à la publication du livre que je fais circuler sur l'immigration dans la classe ouvrière en France, qui était paru à l'Harmattan. Et puis ensuite, elle a travaillé, et donc bon, elle en parlera mieux que moi, mais c'est juste pour donner quelques grandes lignes, sur la question des discriminations dans le monde du travail et dans les trajectoires scolaires aussi des enfants d'immigrés, avec d'autres chercheurs dont les noms sont familiers aussi, hein, Véronique de Ruder, François Vourche ou François Aubert. Et puis, ce travail d'institutionnalisation de la sociologie de l'immigration s'est passé aussi par des choses plus institutionnelles, et notamment la création d'un laboratoire, l'URMIS, qui existe toujours, hein, qui a été créé au milieu des années 90, sur lequel je pense que tu auras aussi l'occasion de revenir. Et enfin, un dernier élément aussi dont on aura l'occasion de discuter, qui était aussi présent dans les textes qu'on vous a fait passer pour préparer la séance, c'est la participation au débat sur l'introduction des statistiques ethniques en France. Et donc juste pour resituer, parce que je n'avais pas beaucoup expliqué ce texte-là en l'envoyant, mais certains d'entre vous le savent, il y a eu une prise de position d'un certain nombre de chercheurs autour de François Héran, un rapport du COMED sur, favorable plutôt à l'introduction des statistiques ethniques. Et puis un certain nombre d'autres chercheurs ont rassemblé dans un contre-comité, le CARCED, et ont proposé un contre-rapport sur cette question-là. Donc l'idée avec Maryse aujourd'hui, c'était de revisiter ce parcours de recherche en mettant l'accent sur la question de l'ethnicité, pourquoi vous en êtes finalement peut-être moins servi que d'autres notions, et de revenir sur ces questions-là. Donc voilà, je te laisse la parole. Et merci beaucoup. Donc moi, j'ai pensé que pour vous, surtout pour les plus jeunes, je n'allais pas vous faire un exposé totalement abstrait et désincarné. C'est pour ça que je vous ai passé des textes dont certains ne sont pas encore parus, mais qui permettent de mettre en rapport une trajectoire personnelle et une trajectoire collective et un contexte dans lequel j'ai travaillé et que Camille a déjà un peu résumé. Donc, pour vous dire que quand on a commencé à travailler sur l'immigration, on est parti d'un espèce de vide. C'est-à-dire qu'en France, il n'y avait pas de sociologie de l'immigration, à proprement parler. Il y avait eu autrefois des géographes, des démographes qui travaillaient un petit peu sur le sujet, mais en sociologie, à proprement parler, il n'y avait pas. Et pour des raisons que j'ai essayé d'exposer à différents moments, c'est-à-dire que, je l'ai dit plusieurs fois, la France était un pays d'immigration qui ne se voyait pas comme tel. Hein, c'est Schnapper qui a dit la France est un pays d'immigration qui s'ignore. Noiriel a dit que c'est, pour les historiens, la façon dont on a raconté la constitution de la nation française laissait les émigrés en dehors. C'était une sorte de rassemblement des régions, etc. Donc il y avait extrêmement peu de travaux sur le sujet, aussi bien en sociologie, mais aussi en histoire, enfin dans presque tous les domaines. Il y avait à peu près que les géographes et les démographes qui étaient qui s'intéressaient au sujet. Donc quand moi j'ai commencé à travailler, j'ai fait ma thèse avec Alain Touraine, après avoir été étudiante à l'EPRAS, et un jour j'ai entendu parler de ça, mais bon. Et à l'époque, il n'y avait pas de DEA, il n'y avait rien de tel. Hein. On faisait une licence de sociaux. Puis après, Et donc c'est pour ça que l'EPRAS a été créé à côté de la Sorbonne, à l'École des hautes études, et qui s'est appelé enseignement préparatoire à la recherche en sciences sociales, parce qu'on n'était pas formé à la recherche. On avait des études extrêmement théoriques. Hein. Donc, moi, j'avais comme prof Gurvitch, Charon, comme chargé de TD en SAR, Passeron, etc. Mais, et en plus, c'était des systèmes de certificats, il n'y avait aucune progression. Hein. Donc moi, quand j'ai commencé le certificat de sociaux, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus âgés, qui avaient fait autre chose. Donc pas de progression, etc. Donc après, cet enseignement a été créé à l'École des hautes études, et on a eu des cours, et on nous a appris un peu les enquêtes, et comment ça marchait. On a eu Lautmann comme prof, il y avait Attic, Vito Attic, qui était à l'époque chercheur chez Touraine, etc., qui nous ont mis dans le bain de la sociologie empirique. Disons qu'avant, on ne connaissait pas la sociologie empirique, on connaissait les grands auteurs, un petit peu Establet, qui testait, avec Bourdieu, qui testait sur nous les héritiers, mais qui nous avait un peu pris dans les enquêtes, mais disons qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était que de faire de la sociologie concrètement. Donc moi, et pour des raisons que j'évoquerai après, j'avais d'abord voulu travailler sur la nouvelle classe ouvrière. J'avais voulu faire un truc sur le commissariat à l'énergie atomique. Et il y a eu les événements de 68 et j'ai été virée de l'endroit. Et donc j'ai proposé un autre sujet à Touraine en lui disant je vais travailler sur les syndicats et les travailleurs immigrés. Touraine m'a dit, si ça vous intéresse de vous intéresser à des choses en voie de disparition, parce qu'à l'époque, la classe ouvrière était en voie de disparition pour lui. Mais comme il m'aimait bien, et il avait travaillé avec Pierre, qui est ici présent chez Renault, il m'a dit, bon, d'accord. Bon. Mais enfin, c'était un peu, bon, vous êtes sympa, quoi. Et il a beaucoup changé, hein, depuis, puisqu'il a écrit des choses sur le pluralisme et tout. Mais ça, c'est son dernier mariage avec Madame Taboni qui lui a fait prendre conscience que... Mais à l'époque, c'était les nouveaux mouvements sociaux, les Gdansk, les trucs comme ça, les féministes, les écologistes. Donc, il n'était pas très intéressé. Alors, j'ai commencé donc là-dessus, en faisant une thèse sur les syndicats et les travailleurs immigrés. Rien que la notion de travailleurs immigrés était pour nous d'une évidence totale. C'est-à-dire que c'était dans ces termes qu'on a pensé, Et dans le débat de l'époque, c'était un débat, d'abord, il y a eu un débat sur la place des travailleurs étrangers, le bouquin de Granotier, Juliette Mince. On était dans le témoignage, beaucoup, sur la situation et la condition des immigrés qu'on voyait et qu'on pressentait comme une couche inférieure du prolétariat, donc avec des grands débats, est-ce qu'on peut parler de surexploitation, de fraction de classe, d'armée de réserve, enfin, tout est dans le vocabulaire marxiste pour l'essentiel, dans la façon de penser les travailleurs immigrés. Et moi, je l'étais, et marxiste, je suis restée d'ailleurs. Bon, donc, d'une certaine manière, c'est comme ça que moi, mais pas seulement moi, on a démarré sur la question de l'immigration. On n'a pas démarré par des questions culturelles ou par des questions ethniques, etc. On a démarré place des immigrés dans le prolétariat. Rétrospectivement, au point d'ailleurs, parce que j'ai écrit un article de dictionnaire dans le dictionnaire de Ansart, là, chez Robert, que le mot immigré et travailleur immigré sont pratiquement recouverts. Et quand on dit immigré, on pense travailleurs immigrés. C'est leur place sociale a fait qu'on peut presque enlever le mot travailleur et on a la même chose quoi dans la tête. Et d'ailleurs à l'époque on fait pas de différence entre étrangers et immigrés. On dit travailleurs étrangers, travailleurs immigrés. On fait pas, dans le vocabulaire non plus courant, on fait pas trop de distinction entre travailleurs étrangers, travailleurs immigrés. Donc on commence à travailler là-dessus dans un cadre qui n'existe pas. La sociologie de l'immigration n'existe pas. Moi, j'ai le souvenir de l'Ottoman faisant visiter notre petit début de labo. Et à l'époque, on aimait beaucoup parler des oiseaux de passage. Les immigrés, c'était birds, comme ça. Ils passaient. Donc, c'était pas. Et quand, pour faire ma thèse, j'ai été obligée d'aller chercher des morceaux chez les historiens. Serge Bonnet pour le Nord, la sidérurgie, Janine Ponty qui travaillait sur les Polonais, pas toujours des gens qui avaient fait des choses sur des immigrations, c'était des gens qui avaient travaillé, Michel Perrault sur les grèves, les histoires qu'il y a eu entre les ouvriers italiens, etc. Donc il fallait aller picorer. Armand Gault, pour le démographe, sur les morts après la guerre de 14 et donc l'immigration comme solution à l'absence de main-d'œuvre quantitative hein, après la guerre de 14, etc. Donc il n'y a pas d'histoire de l'immigration, il n'y a pas non plus d'histoire de la colonisation. C'est plus tard que le livre de Lequin va sortir qui va s'appeler La Mosaïque France. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais bon. Donc il n'y a pas encore de cadre scientifique, il n'y a pas encore de... Et le moment où les choses vont commencer à prendre, c'est lié à une conjoncture sociale et aussi aux efforts de la communauté scientifique, c'est la création d'un GRECO, un groupement de recherche du CNRS, dans les années 70, qui a permis que des gens qui travaillaient sur des sujets, c'était pluridisciplinaire, des gens qui travaillaient autour des questions de l'immigration se retrouvent. Alors des économistes comme Vera Red, Cordero, des géographes, comme les gens de Gilda Simon, les gens de Migrinter, des gens d'un petit peu partout. Et on s'est retrouvés à créer un milieu académique, en tout cas des échanges. Il y a eu une revue qui a duré quelques mois. Quelques années plutôt, et puis des gens se sont connus et ont commencé à faire des choses ensemble. Le GRECO a initié une recherche sur Renault, par exemple, sur les ouvriers de chez Renault, et on s'est connus, et il y a eu des échanges, il y a eu des colloques, etc., parce qu'à l'époque, il n'y a pas de labo dédié, il n'y a que des individus. Le premier labo dédié, c'est celui qui est créé par la Halle, et dont je fais partie avec Véronique, justement, etc., qui s'est appelé ERSMOI. C'est-à-dire équipe de recherche sur la main-d'œuvre immigrée, c'est comme ça, et qui deviendra plus tard ERMI, et puis qu'après nous on va transformer en URMIS. Mais disons que. Donc on démarre, et on s'aperçoit qu'on est hyper en retard en France sur cette question, c'est-à-dire qu'il y a quand même un blocage à regarder cette question. Parce que justement, l'idée de nation qui est constituée d'immigrants n'est pas du tout intégrée. Alors évidemment, les États-Unis, quand on se met à lire. L'école de Chicago, parce qu'on est très provinciaux en plus. Qu'est-ce que je lisais moi à l'époque? C'était les débats sur les OS, par exemple. Il y a eu une littérature immense sur les OS dans les années 60. Les OS, les femmes OS, etc., les grèves d'OS, enfin, OS, OP, techniciens, c'est-à-dire on s'intéresse à ces questions, mais on connaît très peu la littérature internationale. Et c'est grâce à des Lyonnais, notamment avec Graf Meyer, que Graf Meyer et Joseph publient leur traduction et leur introduction aux travaux de l'école de Chicago, qu'on commence, on les a invités à leur séminaire et tout, on commence à comprendre qu'ailleurs, ça ne se passe pas de la même façon. Et notamment aux États-Unis, puisque aux États-Unis, on ne parle pas d'immigrés, on parle d'immigrants. C'est-à-dire, la fin, la désinence « en » montre que c'est des gens dont on sait qu'ils vont faire la nation. Voilà. Alors, chez eux, c'est académiquement, c'est complètement différent. Les migrants font partie... Travailler sur la venue des migrants, c'est travailler sur la nation, c'est faire de la socio-générale tout court. Et ce qui est à part, c'est « race relations ». C'est les rapports aux Noirs et les rapports aux Indiens. Ça, c'est... Les gens ne sont pas dans les mêmes endroits. Les anthropologues surtout, les sociologues qui travaillent sur les relations raciales ne sont pas au même endroit dans les universités que ceux qui travaillent sur l'urbanisation, la constitution de la nation, etc., notamment Chicago. C'est pas les mêmes... je sais pas, c'est coupé autrement, quoi. Voilà. Donc, les Anglais sont un peu comme les Américains, c'est-à-dire que... eux parlent très peu d'immigrants, ils sont branchés sur c'est la fin de l'Empire, donc c'est la citoyenneté britannique, hein, donc qui est citoyen, ils ont des échelles de citoyenneté différentes, et puis ils sont aussi race relations très très très vite avec leurs Jamaïcains, plus tard leurs Pakistanais, etc. Alors, quels autres pays alors en Allemagne... Nous, c'était le problème, c'est que nous, on lisait pas l'allemand. Enfin, moi, en tout cas, je disais pas. On savait pas, il se passait pas grand-chose. Ils commençaient un petit peu à s'intéresser à ça. En Belgique aussi, aux Pays-Bas aussi. C'est-à-dire que, bon, en Espagne, pas du tout. Et en Italie, encore moins, puisqu'en Italie, on était encore avec les Italiens qui partaient aux États-Unis. Le moment où ça va basculer, où l'Italie va devenir un pays d'immigration, n'est pas encore pensé par les chercheurs italiens. Donc voilà, on commence en picorant par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on a sous la main? On a les enquêtes de Girard et Stetzel dans Population sur l'attitude des Français à l'égard des étrangers qui sont faites régulièrement, dont une va faire un tollé. C'est celui qui a inventé la notion de seuil de tolérance dans les années 70 et sur lequel la communauté des chercheurs déjà un peu mûre dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de seuil de tolérance, qu'est-ce que c'est que cette enquête, etc. Donc on a peu de choses. Donc on démarre un peu avec rien. Et on doit construire nos cadres scientifiques et plus tard nos cadres académiques. Donc le cadre scientifique, comme je vous le dis au départ, il est essentiellement marxiste. On pense en termes de classe ouvrière, etc. Et ce dont on s'est rendu compte après, c'est que ce qui a rendu les choses aussi comme ça, enfin, c'est le terme de l'immigration provisoire. C'est-à-dire qu'on reprend l'idée, le mot de Gastarbeiter allemand, travailleur hôte, mais qui n'est pas fait pour rester. C'est l'idée du volant de main-d'œuvre qui va tourner sans arrêt et sans intégration à venir. Il y a des textes qui sont très clairs là-dessus. Hein. Tout le monde croit à ça. Les pouvoirs publics, c'est ce qu'ils veulent, un volant de main-d'œuvre, parce que les gens ne s'intègrent pas, ils sont toujours un peu en dehors du système, ils ont peu de droits. Les patrons sont très contents. Les syndicats croient que c'est comme ça que ça va se passer, les partis politiques aussi, et les chercheurs un peu aussi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on est tous dans l'illusion qu'il y a une immigration de travail avec un volant de main. Il y a toujours des immigrants, mais c'est jamais les mêmes. Tous les 2-3 ans, ils retournent chez eux, ils amènent des sous, c'est un autre frère qui part. Enfin, c'est un peu cette idée. Et donc, on n'a pas encore compris, et peut-être on n'a pas assez travaillé, qu'il n'y a pas de migration de travail sans migration de peuplement. Et que de toute façon, il allait y avoir une immigration de peuplement. Et cette immigration de peuplement, quand on en prend conscience, toute la problématique change. C'est la problématique de l'intégration. Parce que, bon, ils sont là, il faut les intégrer. On va faire des comparaisons avec le passé. Est-ce que les Arabes vont s'intégrer comme les Italiens? Est-ce que... Voilà. Donc, je vais vous dire, cette période de la problématique de l'intégration a été extrêmement pénible. Elle n'a pas été pénible... Elle a été pénible au niveau conceptuel, quoi. Parce que l'intégration, ça nous a pris la tête. C'est un mauvais concept. Ça a été mal utilisé dans le débat public, etc. C'est-à-dire, entre intégration et assimilation, c'était pas clair. Est-ce que la personne... Bon, et d'abord, on pouvait pas poser la question à quoi on s'intègre, qui intègre. C'était tout l'immigré qui doit devenir, qui doit se rapprocher dans ses normes de vie, de comportement, de travail de l'autochtone, quoi, finalement. C'était ça. Et alors, ça a été même raffiné, quoi. Moi, c'était une thèse que j'avais trouvée catastrophique, où on en était à faire des échelles d'intégration. C'est-à-dire, il y a intégration moins, plus, etc. Heureusement, il y avait déjà Dubé qui, plus tard, va écrire dans La Galère que. Il y a plusieurs dimensions à l'intégration et que on peut être les parents, par exemple, vont être intégrés à l'économie et pas du point de vue linguistique ou culturel et que leurs enfants, ça va être le contraire. Ils seront scolarisés, ils n'auront pas de problème d'intégration dans leur classe d'âge et dans leur façon de parler et de se comporter, mais qu'ils ne trouvent pas de boulot. Donc, déjà, l'idée que c'est une variable à plusieurs dimensions qui ne sont pas. Et ce n'est pas une échelle linéaire. Enfin, on a été quand même. Alors, ça tient aussi au contexte de l'époque où on n'ose plus parler d'assimilation, notamment à l'égard des immigrations postcoloniales. Parce que l'assimilation, ça rappelle ce qui se passe en Algérie et tout ça. Donc, on ne dit pas aux gens, il faut vous assimiler après qu'ils aient pris leur indépendance. C'est difficile. C'est pas correct. Bon. Mais c'est peut-être pas correct toujours maintenant, hein, j'en sais rien. Alors, on tourne autour du pot. Christian Poiré va parler d'inclusion. On va parler d'insertion. On va avoir des termes comme l'adaptation. On va avoir tout à voir. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que l'immigration est pérenne. Elle va rester. Donc, on a cessé de penser que ça allait être un volant de main-d'œuvre qui allait rester aux marges, à la périphérie des entreprises, dans les foyers, Sonacotra, dans les hôtels meublés, à la périphérie des villes, des célibataires, sans famille, etc. On sait que ça va devenir pérenne, donc il va y avoir des familles, il va y avoir des enfants, il va y avoir des questions d'éducation, il va y avoir des questions de logement, il va y avoir ce qui vous intéresse aussi à la clé des mouvements sociaux et des engagements collectifs dont un des moments clés est la marche des beurs dans les années 80. Donc, si vous voulez, il y a une évolution, années 60 jusqu'aux années 70, suspension d'immigration par Valéry Giscard d'Estaing qui dit « Halte là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire ». Et puis après, la grande période des questions de l'intégration, etc. Et je pense que c'est ces années 80 qui vont ouvrir le champ et qui vont ouvrir la problématique. On va sortir un tout petit peu de la problématique classe ouvrière, et surtout classe ouvrière au travail, pour se poser des questions sur, notamment, ce qui se passe dans le logement, dans l'école, etc. Et à ce moment-là, on a besoin d'autres notions. Apparaissent une série de notions qui élargissent le champ et qui vont, en fait, retrouver des courants qui précédaient, dont celui, par exemple, de groupe ethnique ou d'ethnicité, etc. Mais apparaît aussi la notion de minorité, qui est une notion qui vient plutôt de la sociologie politique. La notion de discrimination. Avant, on n'en parlait pas de discrimination. Hein. Pour les parents qui travaillent chez Renault, on ne parlait pas de discrimination. Il y a tout un tas de notions qui apparaissent et qui tiennent au fait que il y a des phénomènes qui sont... Alors, il y a beaucoup de termes qui vont être employés. La ségrégation, très important en termes résidentiels, par exemple, et ou scolaires. La notion de discrimination, avec toutes les discussions qu'on a eues avec les juristes sur cette notion, et qui va revenir à un moment de l'histoire de la CARCED, puisque l'argumentation pour des statistiques ethniques, c'était de pouvoir lutter contre les discriminations. Foucault, qui rentre quand même, domination, hein, tous les termes autour de la domination, dominant-dominé, majoritaire-minoritaire. Et donc, ça s'élargit. C'est-à-dire que pour parler des immigrés en France, on est obligé d'élargir la palette des concepts qui sont à notre disposition. Et dans le même temps, comme vous le savez aussi, il y a d'autres choses qui vont changer, c'est-à-dire que c'est la montée des études genrées. En gros, vous avez travaillé sur l'immigration, vous avez travaillé sur les hommes, vous avez fait ça de façon abstraite, mais finalement masculine. Et voilà, l'immigration, c'est genré, il y a des femmes, il y a des femmes accompagnantes, il y a des femmes travailleuses, etc. Et la montée des études sur les nouveaux migrants se fait parallèlement à la montée de la problématique du genre dans les sciences sociales et dans l'académie. Au point que moi, ça a fini par m'agacer. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que avant les marxistes disaient, bon... Tout ça, c'est bien, c'est des variables d'ajout. Ça rend le tableau plus, plus subtil, mais au fond, c'est quand même la classe qui définit le déterminant des statuts sociaux et des relations, quoi. Et là, j'ai eu l'impression que c'était, qu'il y avait tentative que ce soit le genre qui soit à sa place, la structure dominante, et que la classe, l'âge, la génération, la race, viennent devenir des espèces de variables, pas secondaires, mais enfin... Donc, bon, moi, je préfère qu'il n'y ait pas de variable à statut dominant dans la théorie. Après, on voit dans les recherches qu'est-ce qui est saillant dans une situation. On a appris ça quand même, de Chicago, des interactionnistes, c'est la situation qui est importante à analyser. Quand on fait de la sociologie empirique, on analyse quoi ? On analyse des situations. Voilà. Et surtout quand on fait des choses qualitatives. Hein. Donc on est devant des terrains avec des situations de conflit, des situations de mouvement, des situations de... Voilà. Et comment définir ces situations ? Et qu'est-ce qui paraît saillant dans l'ensemble des variables qui sont à notre disposition, qui sont l'origine, la place, le statut social, le genre, et auquel je rajoute moi la génération, le territoire, etc., qui sont aussi importants pour définir les situations. Et à partir de ce moment-là, on change un peu notre manière de travailler, évidemment. D'abord, et l'ethnicité va arriver à peu près au même moment, elle aussi, c'est arrivé dans notre labo à travers des amis anglais et la traduction qu'aura fait Streiff-Fénard avec Poutinia des théories de l'ethnicité. C'est-à-dire, en gros, parce qu'on s'était mis à lire Max Weber, les groupes ethniques, cultivés quand même et tout, bon. Mais en gros, ça apparaît comme quelque chose de transversal. L'immigration, ça peut être un champ. Mais les relations interethniques, c'est transversal. Ça s'applique, on va regarder ce qui relève de la relation interethnique dans un champ de l'urbain, dans le champ du mouvement social, dans le champ de l'école, dans le champ du travail, etc. C'est pas un domaine empirique. C'est une notion qui nous permet de regarder si l'ethnicité imposée ou acceptée, etc., je vais en revenir là-dessus, a un rôle déterminant dans les relations. Quand on dit ethnicisation, ça veut dire ça. Ça veut dire on met au centre peut-être de l'analyse, ou en tout cas très important dans l'analyse, la façon dont les gens se voient, se rentrent en relation autour de cette vision les uns des autres, qui serait une vision entre guillemets ethnicisante. Alors, qu'est-ce que l'ethnicité ? Pourquoi on n'a jamais parlé d'autre chose que d'ethnicité et qu'on n'a pas parlé d'ethnie ? On aurait pu parler d'ethnie. L'ethnie, c'est un mot qui nous vient de l'ethnologie coloniale, en gros. Et moi, je me souviens d'avoir entendu Héran qui disait l'ethnie, c'est en dessous de la nation ou au-dessus de la nation, mais c'est pas la nation. Donc l'ethnie, c'est quelque chose qui se définit, qui est relativement objectivable, puisqu'il y a territoire commun, histoire commune, langue partagée, valeurs, etc. Et les gens peuvent dire « je suis machin, je suis Hutu, je suis bidule ». Donc, pour lui, enfin pour d'autres, l'ethnie, ça a une consistance. Par contre, pour Barthes et pour un certain nombre d'autres gens, Juteau, par exemple, qui est une sociologue canadienne qui est venue nous voir souvent, et dans les pays comme les nôtres, c'est assez difficile de parler d'ethnie. Alors, on est amené à parler d'ethnicité, c'est-à-dire le fait que des gens imputent à d'autres une ethnicité, et c'est-à-dire une culture, une histoire, une langue, etc. Et ils leur imputent, ils disent vous êtes ça, ils donnent le label, ils disent vous êtes comme ça. Et ça s'appelle l'hétérodéfinition. C'est celle qui est définie par le majoritaire. Le majoritaire peut définir le label du minoritaire. Et puis après, le minoritaire, il peut refuser le label, il peut l'accepter, il peut le revendiquer. Hein, Black is beautiful, c'est, comme disait Goffman, c'est le retournement du stigmate. Hein, et donc, voilà. Bon, il y a des gens... voilà. Donc, si vous voulez, c'est... Donc, nous, la grande différence, c'est que c'est pas essentialisé, c'est pas objectivé, c'est au contraire considéré comme un construit social qui est relativement... moi, j'ai dit dans mon texte sur les statistiques ethniques, il est situé. Voilà, il est très situé. Donc, on peut pas. C'est pas une variable robuste, comme disent les statisticiens. Hein, une variable robuste pour un statisticien, c'est l'âge, le sexe, le machin. Parce que là, on peut faire des comparaisons internationales, etc. Mais pour faire des comparaisons internationales en termes d'ethnicité ou la place, je sais pas si vous allez dire la place des Arabes je sais pas, dans... Si vous créez une ethnicité arabe, bon, ben, peut-être que vous trouverez quelque chose en disant il y a tant d'Arabes à Limoges, ou et il y a tant d'Arabes à Limoges qui travaillent à tel endroit, qui habitent à tel endroit, et qui rentrent en relation avec les autres de telle façon. Puis après, vous sortez de Limoges, et puis vous allez à Francfort, et le mot d'arabe n'a aucun sens. Quoi. Voilà. Arabe a un sens à un moment, et puis il ne l'a plus. Et ceux qui ont travaillé sur les recensements, notamment aux États-Unis, montrent qu'on pouvait dire nègre à un moment, après il faut dire afro-américain. C'est peut-être toujours les mêmes qui sont derrière, mais le label a changé, donc ça rend les choses très très compliquées. Donc en gros, nous, ce qui nous intéressait dans l'approche et dans l'apport de la question de l'ethnicisation, c'était de dire on peut pas faire l'économie de cette chose-là pour travailler sur des situations. Ça existe. On ne sait pas la part de la relation interethnique par rapport à une autre relation, mais on ne peut plus l'ignorer. Et il faut arrêter de l'ignorer. Alors pourquoi l'aurait-on ignoré? Pourquoi on n'a pas fait comme les autres? Parce que c'est un peu contradictoire avec le modèle républicain, qui est à la fois un modèle idéal, plus que réel, et qui a trouvé son écho en sciences sociales, avec Durkheim, etc., c'est-à-dire une vision de la société qui est intégratrice, hein, et quand elle n'est pas intégratrice, elle est anomique. Hein, et donc, d'une certaine façon, les intellectuels, et même moi, je veux dire, on est partie prenante de ce système qui serait relativement indifférent à ces questions ethniques, de race, etc. Malheureusement, dans la société, ce n'est pas le cas. On aimerait bien que tout le monde s'en foute et qu'on ne regarde pas les élèves ou les gens en vertu de leur figure ou de leur nom ou de leur apparence ou de leur origine supposée, mais c'est le cas. Donc en tant que sociologue, on ne peut pas en faire l'économie, même si on aimerait bien que ce soit le cas. Alors, et du côté de Schnapper, etc., de tous les gens qui ont travaillé un petit peu sur l'idée de nation républicaine, etc., ça les empoisonne, ce truc. Voilà. Parce que, en quelque sorte, on est amené à critiquer l'inefficacité éventuelle du modèle républicain tel qu'il devrait être appliqué et être vécu par les gens, hein, que les gens adhèrent. Là, voilà. Puisque maintenant, on a pour les migrants, on a des trucs d'accueil, ils apprennent le français, et les valeurs de la République, etc., dans la place des femmes. Donc, moi, je pense que le fait qu'on n'ait pas travaillé plus vite sur ces questions, bon, ça tient aussi à ça. C'est-à-dire que on lève un voile. Et je pense, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup travaillé avec les féministes, mais elles ont dû avoir le même problème. C'est-à-dire en levant le voile de la discrimination de genre ou de l'infériorisation du genre, elles mettaient en cause des choses qui étaient considérées comme des évidences, et voire même, bon, alors il faut être à Engels ou à d'autres pour dire que la femme est doublement exploitée, une fois par comme ouvrière et deuxièmement comme femme par son mari ou je ne sais quoi, mais de toute façon c'est des choses qui peuvent être des trous noirs, hein, de la pensée. Donc on s'est dit pas de trous noirs, et c'est important aussi, mais on n'est pas des fanatiques de dire tout est ethnique, quoi, ou tout serait genré, tout serait génération, comment dirait Chauvel, ou tout serait classe, point. Non, on travaille sur des situations, on travaille sur des contextes, etc. Alors, pour comprendre comment à un moment donné se construit une vision et une représentation ethnique, on a deux bouts. On a l'histoire. On peut pas faire l'économie de l'histoire pour comprendre comment un peuple se définit ses catégories, définit ses minorités. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Bloom à un moment donné, notamment il est revenu après avec nous à la Carcel, mais il nous avait donné un truc sur le recensement soviétique. Bon, vous êtes en URSS, on parle de nationalité. Hein, et ces nationalités sont... Parfois, il y avait une nationalité juive, il y avait une nationalité grecque, il y avait une nationalité... Et c'était rentré dans la statistique. C'est comme ça que les gens se voient et se représentent. Donc c'était relativement important et pourquoi? Et ça remonte. Bon, et nous, pourquoi il faut repasser à l'histoire? Parce que, par exemple, pour les immigrations postcoloniales, on ne peut pas faire l'impasse sur la colonisation pour travailler sur les représentations. des uns et sur les attentes des autres. Il y a Anaïk Pion là, qui avait fait sa thèse avec moi sur les Sénégalais qui étaient en transit au Maroc. Elle avait des jeunes qui lui disaient « Bon, ben voilà, mon grand-père a fait la guerre avec vous, etc. Il a perdu la vie et tout. Et vous nous empêchez d'entrer. Mais vous avez une dette vis-à-vis de nous. Vous devez faire quelque chose pour... » Donc le rapport ancien, le rapport colonial a créé ce type de situation. On peut pas l'éviter. Bon. Alors on a un bout l'histoire, l'histoire des idées, l'histoire des mentalités, l'histoire des faits aussi. Et puis de l'autre côté, je dirais tout à fait à l'autre bout, vous avez les travaux les plus interactionnistes possibles. C'est-à-dire vous êtes dans un endroit, vous êtes dans une institution et vous regardez dans des protocoles qui ne sont pas forcément d'entretien, mais même dans l'observation le plus souvent, comment les gens se parlent, se traitent. Bientôt, on travaillera sur les tweets, je ne sais pas, enfin, sur Facebook, je ne sais pas, mais enfin, sur la façon, puisque sur le langage, même sur les mimiques, etc. Bon, dans notre labo, on a eu Colette Guillaumin qui nous disait le plus... c'est comme si on a une oreille musicale qui se développe, vous voyez. Et on voit et on entend des choses qu'on voit pas autrement. Alors elle, par exemple, elle va voir que, je sais pas, tel serveur va apporter plus ou moins vite quelque chose à quelqu'un. Voilà, si on reste là, on verra que le gars n'est pas servi comme les autres, ou que l'homme va faire comme ça en ouvrant la portière, on va plus le faire, etc. Donc l'œil, l'oreille, on développe des choses pour comprendre les relations fines. Voilà. Alors on va un bout il y a l'histoire, à l'autre bout il y a ça, et au milieu il y a toutes les sociaux et tout ce qu'on peut faire pour comprendre les situations. Par exemple pour la statistique, pourquoi il faut remonter à l'histoire pour comprendre aussi pourquoi il y a une levée de bouclier sur les statistiques ethniques, c'est le fichier des Juifs de Vichy. Si on se rappelle pas qu'il y a eu un fichier des Juifs qui a permis d'enlever la nationalité, de dénaturaliser les Juifs migrants, on comprend pas pourquoi il y a une telle opposition dans les milieux républicains à introduire de la statistique ethnique à l'américaine pour lutter contre les discriminations. Il y a des conceptions. Voilà. S'il n'y avait pas eu ce fait-là, peut-être qu'il n'y aurait pas une telle volonté de ne pas faire entrer la statistique ethnique. Mais il y a aussi des usages des mots. André Aréa, à qui j'ai travaillé là sur le bouquin sur le sujet de l'immigration, eux, ils appellent statistique ethnique, et c'est finalement comme ça que Héran et Patrick s'en sont tirés, en appelant ethnique des trucs par nationalité étrangère. Voilà. Alors, si on met tant d'Algériens, ils estiment qu'ils ont fait des statistiques ethniques. Voilà. Ils pouvaient pas contourner le problème. Et comme ils ne voulaient pas perdre la face, entre guillemets, ils ont dit on fait des statistiques ethniques, on en fait déjà, en fait, sans le savoir. Donc on n'introduira pas des référentiels de type ethnico-racial comme avait fait Tribala. Parce que Tribala, dans son truc MGIS, sa grande enquête sur l'intégration qui est parue dans les années 80, elle a parlé, elle a donné des trucs ethniques, les Peuls, elle s'est lancée dans des labels ethniques. Parfois c'est des nationalités, c'est les Turcs, parfois c'est des labels ethniques. Alors évidemment, les ethnologues ont dit « Vous êtes trompés, c'est pas comme ça, cela ne s'appelle pas comme ça. » Je ne sais plus qu'elle avait fait avec les Kabyles, les Berbères, etc. Bon. Donc, mais elle s'était lancée. Il faut savoir que Tribala, désormais, elle est très, très, très à droite. Donc, et son bouquin était bizarre, puisque justement, enfin, il était bizarre. Elle et Todd ont sorti un livre au même moment, hein. Elle, ça s'appelle Faire France, et lui, ça s'appelait Le destin des immigrés. Donc, elle, Faire France, c'est l'assimilation. Et elle voit qui s'assimile et qui ne s'assimile pas. Bon, ceux qui s'assimilent le moins bien, c'est les Turcs. Voilà. C'est les plus endogames, en gros, qui vont chercher leur femme en Turquie, etc., et qui ne parlent pas la langue. Todd, lui, il a ses obsessions autre chose. Il a dit non, non. Soyons optimistes parce que la France est le pays des mariages mixtes et les mariages mixtes, on est le pays des mariages mixtes et ça montre que il n'y a pas de color line comme il y aurait aux États-Unis où la bourgeoisie noire a monté mais où les mariages mixtes ne seraient pas aussi importants que chez nous. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'un mariage mixte? Ils ont pris comme définition un mariage français-étranger puisque c'est la seule statistique qu'on a. Un mariage mixte, c'est la. Français avec quelqu'un qui est étranger ou immigré, c'est-à-dire Est-ce qu'il faut que je revienne sur la différence entre étrangers et immigrés? Je veux bien le faire parce que, je vous le dis très rapidement, parce que justement ça correspond à la période où on s'intéresse à l'intégration, plus qu'autre chose. Et donc, au Conseil à l'intégration, j'ai cette Ribala qui m'y fait penser, elle est là, et elle dit, il faut comprendre l'apport de la population étrangère à la démographie française. Et le truc de nationalité ne suffit pas. Parce que qu'est-ce que moi, quand j'ai commencé à bosser, qu'est-ce que j'avais? J'avais français par acquisition, c'est-à-dire les naturalisés, et étrangers. Et donc elle dit, non, on va prendre les gens nés étrangers à l'étranger, mais qui ont pu devenir français, et comme ça on saura qu'étant donné qu'ils sont nés à l'étranger, ce sont des immigrants. Donc on a des statistiques aujourd'hui INSEE, parfois avec étrangers et parfois avec immigrés. C'est-à-dire l'immigré peut être français. Avant, il n'était pas compté, enfin, il était compté avec les Français, quoi, en gros. Les Français de souche, entre guillemets, les Français par acquisition. Et là, l'immigré, c'est celui qui est né étranger à l'étranger. Moi, par exemple. Donc, française depuis. Voilà. Donc, mais je fais partie des immigrés. Je ne suis pas dans votre représentation et je n'ai pas la tête à l'emploi, mais c'est le cas. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une définition beaucoup plus supposée être une définition de flux et moins juridique. Et plus basé sur la mobilité. Donc, voilà. Et puis, on peut aussi rajouter les DOM, etc., si on veut faire quelque chose d'un petit peu précis. Donc, à partir de ce moment-là, cette demande a été faite par le Haut Conseil à l'intégration, qui depuis, d'ailleurs, se fait surtout remarquer par ses prises de position sur la laïcité. Et ce Haut Conseil à l'intégration a dit, il faut faire ça. Et comme dedans, il y avait des démographes comme elle, ils ont réussi à obtenir de l'INSEE des statistiques qui ne sont plus des statistiques français étrangers, mais, enfin, je crois qu'elles existent aussi, mais qui sont des statistiques français immigrés. Enfin, non immigrés, immigrés, non immigrés. Et puis il y a les trois, du coup. C'est-à-dire il y a français, immigrés, étrangers. Voilà. On regarde les voilà. Lycées, exactement, ça doit être ça maintenant. Voilà. Donc, c'est le signe que ça arrive à la statistique. Bon, est toujours un signe d'institutionnalisation d'une pensée ou d'une conception de la vie sociale. Et c'est pour ça que la question des statistiques ethniques arrive là, puisque c'est, en gros, c'est la même chose. Instituer des statistiques dans une institution comme l'INSEE, quoi. Alors, voilà. Bon, si vous voulez, on en parlera un peu plus longuement. Pourquoi finalement ça a reculé, la CNIL, etc. Bon, le recensement, etc. Et puis, surtout, peut-être aussi quelques arguments scientifiques en disant, bon, c'est quoi ces ethnies? C'est quoi ces statistiques ethniques? Qu'est-ce qui va y avoir dessous? Et qu'est-ce que ça vaut, quoi? Donc, voilà. Moi, je sais pas si vous voulez que j'en dise un petit peu plus. Sur les choses académiques, peut-être Oui, peut-être. Voilà, alors, je vous ai dit comment ça s'est constitué sur le plan académique. Des petits groupes. Nous, on s'appelle la bande des quatre, avec De Ruyter, Thabo Adala. Malheureusement, ils sont tous les deux décédés. Et Michel Guyon, géographe, et moi-même. Bon, et donc, on a fait les coucous dans des endroits différents, quoi. On a d'abord été au centre d'études sociologiques, hein, avec Dominique Lahal. Puis après ça, elle est partie, je ne sais pas où. On a eu un directeur qui s'appelait Paul Vieille. On était au centre d'études sociologiques, hein, rue Cardinet, voilà, qui après est devenu l'IRESCO. Bon. Et donc, il y avait Zeraoui avec nous, comme chercheur. Catani, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Histoire de vie, Maurizio Catani. Zeraoui, c'est le spécialiste de l'immigration algérienne. À qui Sayad faisait une ombre énorme. Bon. Si vous voulez, on s'est retrouvés chez Saint-Saulieu. Rien à voir, hein, avec Saint-Saulieu et ce qu'il faisait. Saint-Saulieu était un grand homme qui nous a dit, bon, que tu vous abrites. On va à l'IRESCO, puisque le centre d'études sociologiques est devenu l'IRESCO. Nous, on est allé voir les gens de l'INED qui nous ont dit, bon, vous êtes qui? Pas de droit, donc parmi nous, hein, que des... Moi, j'étais maître assistante. À l'époque, on disait les autres, ils étaient chargés de recherche CNRS. Et bon, on n'était rien pour eux. Bon, et finalement, Saint-Saulieu nous a dit, vous êtes gentils, on vous aime bien. Et on a eu aussi un ethnologue avec nous qui s'appelle Assoun, qui travaillait sur les Hmongs, etc. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Nous continuer notre séminaire et faire nos recherches. Et après, on a une stratégie du coucou. dont je suis l'horrible instigatrice, c'est-à-dire que à Paris 7, il y avait le groupe de sociologie du travail dont mon époux faisait partie, avec Claude Durand à sa tête, qui était en train d'entrer en déconfiture, mais qui avait comme intérêt pour moi d'être sur la même fac localement, quoi. C'était Jussieu, puisque moi j'étais maître de conférence à Jussieu à Paris 7. Donc notre petit groupe est rentré chez Claude Durand. Et puis on a assisté à la fin du groupe de sociologie du travail, dont une partie est allée à Nanterre, une autre à Évry, etc. Et on s'est installé là. L'autre entrée, donc ça c'était, je dirais, presque une histoire de locaux et de présence sur place. Mais ce qui nous a vraiment permis d'exister, c'est d'avoir créé un DEA. Il n'y avait rien, quoi. Le premier cours, soyons fiers, le premier cours sur l'immigration, moi je suis sûre que c'est en France. C'est Stora et Trippier à Paris 7 en licence. On décide d'ouvrir une UV, s'appelait UV, hein, maintenant je crois que c'est UE, de sociologie des migrations, enfin d'histoire des migrations, ça s'appelait les migrations. On était tous les deux, lui un peu historien. Moi. Et puis on a obtenu un DEA grâce à l'alliance entre nous et Gilda Simon, qui avait été chercheur invité dans notre labo pour un congé sabbatique avec Michel Guyon, l'équipe de Migrinter, quoi. Et on a eu un DEA commun pendant 7 ou 8 ans, où les étudiants allaient passer 2 jours à Poitiers, à l'auberge de jeunesse, etc. Ils allaient faire de la géographie. Et puis les autres venaient, tout le groupe revenait 15 jours après, passer 3 jours à Paris. On les logeait, les autres étudiants les logeaient, etc. Et on a formé comme ça des gens qui aujourd'hui sont Catherine Barton, Berthe Homière, celui qui dirige Migrinter, etc. On a formé des gens un peu géosociaux. Et alors, l'existence du DEA, l'appui de l'université Paris 7, qui était très à l'avant-garde, qui a créé les études féministes, qui, elles, n'ont pas duré parce qu'elles se sont entretuées, en partie. Enfin, il y a un petit groupe. Il y avait l'enseignement dans les prisons, etc. On avait une équipe Paris 7 très, très, très, très engagée. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aller au CNRS avec le président de l'université et le VP Recherche en disant, ces filles-là, il faut qu'elles aient leur... Il faut qu'elles aient leur labo, quoi. Alors, bon. Et alors, comme il y avait beaucoup de chercheurs isolés qui étaient perdus dans la nature, comme Colette Guillaumin, etc., et que le CNRS ne voulait plus de chercheurs isolés, parce qu'il y a eu une période, vous savez, les gens travaillaient chez eux, enfin, il a dit non. Et on leur a rendu service. Et en plus, il y avait une autre demande qui était celle de Nice. Ils ont dit non, 2, c'est trop, donc vous allez faire le même labo, l'URMIS Paris, l'URMIS Nice. Voilà. Et alors l'URMIS Nice était justement la dépositaire de l'IDERIC, qui était un labo qui avait sur les relations interculturelles avec Michel Auriol, etc., qui avait travaillé sur les questions du rapport de l'aspect culturel dans l'aide au développement, notamment, etc., et qui avait déjà un bagage. Et c'est pas le hasard que ce soit Streifenard, qui était à Nice, qui est avec Poutinia, qui était ingénieur de recherche, qui a traduit Barthes sur les théories de l'ethnicité. Ils avaient une histoire que nous n'avions pas à Paris, pas autant, quoi. Nous, on était des militantes un peu, vous voyez, surtout moi, hein, j'étais militante, donc même avant de faire de la socio. Et donc, on avait dans l'idée qu'il fallait que la question de l'immigration soit posée, c'était un problème politique, quoi. Ça, on pouvait pas laisser... il fallait que le CNRS comprenne que c'était un sujet qui était important, quoi, que socialement, c'était un sujet important. Et bon, après, malheureusement, la vie sociale et politique nous a montré que c'était un sujet même trop important. Je veux dire, on est passé du déni à l'hypervisibilité, quoi. Donc après, il y a eu un phénomène de mode, hein. Donc ça, je ne vous dis pas, moi, en tant que prof, j'ai vu passer toutes les modes. Les modes des gens qui voulaient faire des trucs sur la seconde génération avec les trucs entre deux chaises, les modes... Enfin, on a eu toutes les modes possibles et imaginables, mais disons que c'était plus un sujet illégitime. Parce qu'il y a des textes de Sayat, notamment un texte de Bourdieu, et je crois que c'est avec Sayat, mais c'est Bourdieu lui-même, qui se posait la question de savoir si l'immigration étant un petit objet, il aurait une petite socio. C'est-à-dire, est-ce que faire la sociologie des dominés, c'est pas être dans une sociologie un peu marginale, un peu regardée de haut, etc. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup d'efforts pour valoriser Sayad, et puis que, enfin, c'est quand même l'emblème en sociologie de la sociologie de l'immigration, bien qu'en fait tous ses travaux soient sur les Algériens et qu'il ait transformé les Algériens en emblème, alors que les Portugais c'est pas des Algériens et que ça compte aussi, et ça rendrait pas compte d'ailleurs, hein, ce qu'a écrit Sayad sur les Algériens, ça rendrait pas compte des des Chinois, de tas d'autres, de l'immigration, des boat people qui sont arrivés, etc. Mais il a quand même mis les concepts principaux autour de l'illégitimité, de l'exploitation. Et donc, si vous voulez, c'est une... Je sais plus ce que je disais. Ma révérence à Sayad m'a fait perdre. C'est plus un objet légitime. Voilà, la question de la légitimité. C'est devenu un objet légitime et c'est même devenu un objet à la mode. Donc, la question, c'est que ça, qu'on rentre pas dans les... Enfin, on a toujours eu ce problème, et puis toute la socio là, hein, l'air du temps. Comment on fait avec l'air du temps, quoi? Bon. Est-ce que l'air du temps, qu'on définisse nous-mêmes nos objets, etc. On ne peut pas complètement échapper à l'air du temps, mais dans notre domaine, on contribue nous-mêmes à l'air du temps. C'est à la fois on est tributaire, à la fois on en fait partie. On peut tout à fait, en mettant des trucs en jeu dans le débat public, apporter notre patte au fameux air du temps. Donc, si maintenant vous voulez me poser sur ce qui commençait maintenant, très très vite, il y a une sociologie des migrations c'est pas sociologie seulement d'ailleurs, qui est pluridisciplinaire. Il y a un domaine autour des migrations très fort, qui n'est plus que immigration, qui va dans tous les sens. On travaille sur les retours, sur les circulations, sur les diasporas, sur... Bon, le truc le plus intéressant, c'est Sassen, hein, les Saskia Sassen, les Global Cities, ou bien Portest, les trucs par... comment il appelle ça ? Le transnationalisme par le bas, là, hein, les circulations non étatiques, voilà. Bon, moi, j'ai fait faire... Hein ? Tarius, évidemment, Tarius, les circulations migratoires. Donc il y a un champ qui est celui du, et où il y a votre ancienne collègue ou toujours collègue Rollo Berger, hein, Laurence. Donc c'est un domaine en soi, hein, qui se développe, bon, qui a besoin de la sociologie. Par exemple, là, il fut une époque où les gens qui travaillaient sur le droit d'asile ou l'asile, ils étaient en sciences politiques, ils ne travaillaient pas avec les gens qui travaillaient sur la migration. Nous, on était supposés s'occuper des travailleurs économiques. On n'était pas ensemble, on n'était pas dans les mêmes lieux, on n'était pas dans les mêmes colloques, dans les mêmes... Bon. Aujourd'hui, je ne sais pas, hein, mais quand on travaille sur les mobilités et les migrations, on est obligé de mettre l'asile. Bon, bientôt, on mettra les réfugiés du climatique, etc., le brain drain. Donc, à la limite, presque le terme... Il y a des logiques qui sont tellement variées, entre les gens qui meurent à Lampedusa, les traders du monde entier, les badanti en Italie, etc., que, bon, on peut finir par se poser la question de savoir s'il faut mettre tout ça sous un même mot. Et est-ce que, quand les logiques deviennent aussi distinctes, est-ce que c'est un seul mot qui convient? Donc ça, c'est un champ. Et puis, il y a maintenant un autre champ, qui est celui de la question de la population qui est là, hein, qu'Andrea Rea appellerait la gestion, hein, de la de la diversité ou de la pluralité des origines, et avec des gestions différentes. Hein. Alors la discussion, la gestion qui accepte les communautés, qui leur donne du poids, type Amérique, USA, multiculturel, etc. Donc là, c'est toutes les discussions sur les politiques publiques, pour savoir si les politiques publiques d'un côté, comment on gère, est-ce qu'on gère avec des notions ethniques ou pas, d'où le débat sur les statistiques ethniques dans la lutte contre les discriminations. Est-ce qu'on a des politiques ciblées, en fonction de quoi? Territoire, bon, moi quand j'ai fait le truc sur les grésillons, la ZEP, on ne dit pas que la ZEP c'est à cause des immigrés, mais dans le truc pour avoir la ZEP, il faut mettre le pourcentage d'étrangers. Après, j'ai regardé comment étaient faits les trucs à l'école, comment les mômes remplissent, hein, les fiches. C'était dingue. Et les mômes, ils mettent mon père est algérien, mon père est musulman. Il faut savoir comment sont faits les bulletins à partir desquels on fait les statistiques scolaires. C'est hallucinant, quoi. C'est parce que dans une même famille, il y a des gens qui sont français, il y a des gens qui sont... Donc on a, disons, là, il y a vraiment deux domaines qui vont devenir distincts, le domaine migratoire et le domaine gestion des origines, entre autres, hein, de populations d'origines différentes. Alors origine géographique, origine culturelle, origine type racial, origine coloniale, voilà. Donc à mon avis, c'est deux champs. Et alors dans ces deux champs, c'est pas du tout les mêmes disciplines qui sont les plus... revendiquer. Les géographes, ils ont un boulevard mondial pour travailler sur les migrations. Hein. C'est leur truc. Bon. Ainsi que les sciences politiques, tous les gens qui font de la géopolitique et tous les gens qui s'intéressent. Et puis le domaine gestion des populations, bon, ben, c'est les sociaux, il y a des ethnos maintenant, il y a des psychologues sociaux. Hein, moi j'ai relu Schutz récemment, là, le petit bouquin sur l'étranger. Hein, voilà, bon. Il y a des psychologues, il y a des psychanalystes, il y a des politistes, etc., qui travaillent sur la question de la coexistence de populations d'origine différente. Elias, évidemment, outsider, insider, tout ce qu'on veut. J'ai pas été trop longue. Ça fait une heure. Un peu moins d'une heure. Moi, maintenant, je réponds aux questions.